Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? ...57, rue de Varennes, de François Perrache. Quatrième saison, plafond de verre. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat implorant sa clémence. 57, rue de Varennes. 16e épisode. Et en même temps, c'est aussi la revanche du vieux monde politique, parce que moi, qui ai commencé à l'ORTF, je peux vous dire que c'est de loin la plus extraordinaire campagne présidentielle que j'ai connue en près de 50 ans de carrière, avec des rebondissements comme seules les séries américaines ou la politique française peuvent en produire. Je suis obligé de vous interrompre, Alain, car il est 20h. Ah. Nous y voilà, dans quelques instants, vous découvrirez avec nous les estimations qu'on annonce très serrées pour le second tour de cette incroyable élection présidentielle anticipée. Dans 5, 4, 3, 2, 1... À suivre. Je plaisante, mes amis, je plaisante. Vous n'aurez plus longtemps à attendre avant de connaître l'issue de ce qui constitue la clé de voûte de la politique française. L'aboutissement de ce chef-d'œuvre constitutionnel, le vainqueur de la course bidécennale des petits chevaux durant laquelle le peuple de France croit désigner son nouveau monarque. Le résultat de l'élection présidentielle. Cependant, mes amis, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Les coulisses, les couloirs, les coups bas, les coups de Jarnac, les coups de gueule et les coups du sort nous fascinent bien plus que le couronnement lui-même. Revenons donc quelque temps en arrière. Le président est mort. Dans l'avion qui le ramenait des Amériques, une élection anticipée est organisée qui voit notamment s'opposer tous les protagonistes de notre histoire. Suivez bien le tour de passe-passe, mes amis. Certains personnages vont apparaître, d'autres... D'un côté, Pablo Mercadal, actuel Premier ministre. Face à lui, Pierre-Yves Gerland, l'ancien Premier ministre. Et entre ces deux rivaux de toujours, une femme. Tiphaine Kervelec, la présidente du Sénat, qui assure l'intérim de la présidence de la République. Concentrons-nous, mes amis, sur cette jeune femme de 37 ans, qui se met à croire en son destin. Et revenons au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes le dimanche 30 janvier. Il est 18h30 et Tiphaine Kervelec, en attendant les résultats, trempe l'ennui et l'angoisse comme elle peut, entourée de ses plus proches conseillers et du secrétaire général de la présidence de la République française. Qu'est-ce que vous faites encore ? Enfin... On nous avait promis une génération nuit debout, on se retrouve avec une génération tête baissée. Toujours le nez sur le téléphone. On regarde Radio Londres. Comment ? Le hashtag Radio Londres sur Twitter, c'est n'importe quoi, mais c'est assez fun. Alors, je suis pas bien sûr de... Twitter, vous connaissez, monsieur le secrétaire général ? Ah oui, naturellement, le petit oiseau bleu. Eh ben, mon petit-fils m'a même fait découvrir récemment ce qu'il appelle la twitterature, vous connaissez ? Eh ben, ça consiste à résumer des chefs-d'œuvre de la littérature avec le moins de mots possible. Par exemple... Pour l'Odyssée d'Homère, un internaute a proposé « C'est l'histoire d'un mec qui rentre chez lui hein ». Synthétique, non? Mais alors, quel rapport avec Radio Londres? Parce que, vous savez, j'ai bien connu Frank Bauer, le dernier speaker de Radio Londres. Il venait souvent à la maison, c'est un ami de mon père et du général. En fait, sur Twitter, comme on n'a pas le droit de donner les résultats avant 20h, les internautes mettent le mot-clé Radio Londres associé à des phrases faussement mystérieuses. Par exemple, la tortilla est trop cuite. C'est une allusion à Pablo Mercadal, parce qu'il est d'origine espagnole et que les internautes pensent qu'il va être éliminé. Croquignolet. Quoi ? Fun. Ah. Et par exemple, monsieur le secrétaire général, pic de chaleur pour un 30 janvier, 24 degrés prévus à Vichy, 21 attendus ce soir en Bretagne, c'est parce que je suis bretonne. Et que les internautes pensent que je vais faire 21% et que Bousquet va faire... TNS et Ipsos. Quoi, en même temps ? Ouais. Et ça converge. Ça bouge encore un peu, mais ça converge. J'espère seulement que c'est pas Mercadal qui est devant. Non, il devrait être quatrième. Qu'est-ce que c'est ça? Quatrième Majette, mais quel camouflet pour un premier ministre en poste. Alors, donc, sans surprise, Bousquet est 3-4 points devant tout le monde. Il passe les 20 points. 22 ou 23, selon les instituts. Mon Dieu, quel échec. Quel échec pour nous tous. Ça va, si c'est 4 points d'avance, Maxi, ça va encore. C'est pas le raz-de-marée, on s'en sort bien. Et donc en face, ça sera qui? Nous ou Gerland? Nadine Bousquet, 23. Tiffen, pour l'instant, t'es deuxième à 19. Yes! Bon, mais pour l'instant, hein, parce que là, il est que 18h30 et derrière, c'est serré. Pierre-Yves Gerland à 17,5. Mercadal est à 17, Marie-Hélène Dupuis 14 et tous les autres font moins de 5. 19 pour toi et 17,5 pour Pierre-Yves. C'est passé un poil de bite. Un poil suffisamment épais pour vous assurer la deuxième place. Bravo, Madame Kermelec. Vous voilà en finale. Alors, vous permettez que je vous embrasse avant que le protocole ne me l'interdise. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Oh, c'est dingue. Deux femmes en finale, une femme à l'Élysée. La France va enfin entrer dans le 21e siècle. C'est dingue, c'est ouf. Oh, vous êtes soulagée. Non, je dis c'est ouf, c'est fou. C'est du Verlan. Ah oui. Ah non, je comprenais. Ah, oui. On peut avoir un peu d'air là, il fait chaud, non? Comme un mois de janvier à Paris. Mais si vous voulez qu'on ouvre un peu. Je sais pas. C'est toute cette émotion, on a beau se préparer, ça allait tellement vite. Oh, j'étouffe complètement. On peut ouvrir? Non, merde, les photographes, mais jamais ils nous lâchent. Non, jamais, même quand il fait nuit, même quand il pleut, même quand il gèle, ils sont là, tout le temps. Et la participation, au fait? Mauvaise, très mauvaise, on va battre tous les records d'abstention. Quel échec. Mais on s'en tamponne, l'essentiel, c'est de gagner. En cas de victoire, il va falloir innover pour votre passation, Madame Kervelec. J'ignore si on peut même appeler ça une passation entre vous et vous-même. On n'a qu'à te dédoubler en hologramme. Tiffen Kervelec, président de la République par intérim, qui passe le relais à Tiffen Kervelec, fraîchement élu. C'est Pierre-Yves. Mais sur haut-parleur. Puis quoi encore? Je vais à côté. Pas trop de cris de joie, s'il vous plaît. Bonsoir, Pierre-Yves. Salut, Tiffen. Bon, félicitations. Merci. Enfin, attendons, 19h30, c'est pas encore. Si, c'est plié. Comment tu te sens? Bien, surexcitée, fière, terrorisée. Tu m'étonnes. J'ai pas 40 ans, j'ai jamais dirigé de ville de plus de 10 000 habitants. Tu seras pas la première incompétente à l'Élysée. T'es bien entourée, tu bosses comme personne, tu parles 4 langues, t'as tout compris de l'ancien monde et du nouveau. La France est entre de bonnes mains, je t'assure. Merci Pierre-Yves, le ciel t'entende. Et puis attends, il faut encore passer le deuxième tour. Oh, si tu déconnes pas au débat avec Bousquet, c'est plié, je te dis. En tout cas, merci Pierre-Yves de m'appeler et de me dire ces mots. Merci. Moi, je sais pas trop quoi te répondre. T'as été un modèle très longtemps. Arrête, on dirait une oraison funèbre. Je suis pas encore mort. Non, j'insiste, merci. T'as été super correcte pendant cette campagne, beaucoup plus que Mercadal, j'apprécie, vraiment. Ouais, bon, Tiffen, encore félicitations. Chalès, tu vas être bien occupé ce soir, moi j'attends pas 20h, c'est pas la peine. Je dis deux mots depuis mon QG pour les télés et je pars me balader. Te balader? Ah oui, je pars ce soir, tout de suite, je fuis Paris. Je vais enfin pouvoir faire cette rando-raquette dans mon Jura natal dont je rêve depuis des années. Ah ben... Ben, bonne balade alors. Ouais, merci. Et encore bravo. Et au fait, sans rancune pour le meeting de Villepinte. Ah, je suis vraiment désolée. C'était dans la folie du moment. C'est bon, je te dis. C'était de bonne guerre. Allez, je t'embrasse. Je t'enverrai une photo de Baltique et moi dans la neige. Hein? Bonne chance pour la suite. On se voit dans 3 semaines pour ton investiture. Au moins, t'auras pas beaucoup de chemin à faire. Ouais, on croise les doigts. Merci Pierre-Yves. On se rappelle très vite. Je t'embrasse. On a un troisième institut qui vient de tomber. Ça converge entre 19 et 19,4. Bien. Alors, Pierre-Yves? Fidèle à lui-même, la grande classe. Mais il a toujours pas digéré ma remarque de Villepinte. Sur l'âge du capitaine, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. C'était tentant pour vous de faire un bon mot. C'est ce que je lui ai dit, mais je regrette quand même. Mais il va donner une consigne claire. Pour le second tour. On n'en a pas parlé. Quoi? Mais enfin, Tiffen, à quoi tu penses? À quoi je pense? À lui. Je pense à lui, figure-toi. Là, tout de suite, je pense à Pierre-Yves. et à sa vie politique qui s'arrête du jour au lendemain. Et au fait qu'il va se retrouver tout seul, veuf, comme un con dans la neige avec son chien. Dans la neige. Il part randonner dans le Jura. Seul avec son chien. Mais c'est très touchant, Tiff. Mais si tout à l'heure Pierre-Yves donne pas des consignes de vote très claires, vous allez être deux à vous retrouver comme des cons. Mais t'as même pas de chien. Putain, mais Tiff, à quoi tu penses? T'as un mec qui pèse 17,5% au téléphone le soir du premier tour et tu lui parles de ses vacances au ski? Il va faire de la raquette. Pierre-Yves sait ce qu'il a à faire. Rappelle-le. Rappelle-le avant qu'il prenne la parole. Il sait ce qu'il a à faire. Stop! Occupez-vous plutôt de finir mon speech. La dernière version que j'ai vue est nulle. C'est pas au niveau. On dirait que j'ai gagné une élection cantonale. Pierre-Yves connaît parfaitement les enjeux, il me l'a dit. Il va faire sa déclaration pour les télés depuis son QG et il disparaît. Définitivement. Bon. Alors, et ce soir, vous organisez une fête? Modeste, la fête, hein, Tiffen, modeste. T'inquiète, de toute façon, je bois pas d'alcool. Et avant, je dois dire un mot à l'équipe et après, il y a les télés. Et puis, je veux repasser chez moi pour me changer. On a tout ce qu'il faut ici. Je repasse chez moi. Mais merde, vous allez pas commencer à tout régenter! La soirée va être très longue, je veux juste 10 minutes pour moi. Rien que pour moi. Juste 10 minutes, tranquille, avec Perrine. Et dès demain, on prépare le débat du second tour. Je ne veux pas d'une victoire par défaut. Bon, l'essentiel c'est de gagner. Il me faut un vote d'adhésion, pas une élection par défaut. Bousquet, je veux pas la battre, je veux l'écraser. J'en reviens pas. Deux femmes en finale! Ouf! Tous les électeurs qui m'ont fait confiance à se rassembler derrière la seule candidate de progrès, Tiffen Kervelec. Pour ma part, au terme d'une carrière longue de près de 40 ans au service des Français de mon pays, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec personnel et j'en tire les conclusions en me retirant définitivement de la vie. Voilà, bon débarras. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. Bon, ouais, tiens, tais-toi un peu. Pablo, tu es prête? Bon, il est où? Il est parti sans moi? Non, il appelle Kervelec pour la féliciter et accorder leur violon. Et il négocie de rester à Matignon? Je crois, oui, c'est pas gagné. Non, c'est peut-être ma dernière apparition publique avec lui. Ah, bon allez, on y va. On s'active, Pablo. Cravate, veste, maquillage. 19h40. T'as raté le laïus de Gerland. Assez classe. Hein. Il appelle à voter Kervelec, évidemment, et il a annoncé qu'il quittait définitivement la politique. Un bon débat. Hein. Ah bah ça, c'est marrant, parce que j'ai dit exactement... Alors, Kervelec? Non, elle a dit non. Quoi, non? Non. Tu vois, j'ai mis les fangs, je l'ai félicité. Je lui ai dit que je regrettais certaines attaques de la campagne, et que c'était la campagne, et que ça n'enlevait rien à la sympathie. Elle m'a laissé m'embourber, cette salope. Quand je lui ai proposé un ticket pour le deuxième tour en disant qu'on serait très complémentaires, tout ça, elle m'a juste dit non. Elle a des couilles. Elle y va pas par quatre chemins, ça change de l'autre anguille. Elle m'a juste dit qu'elle voulait pas encore réfléchir à un éventuel PM, et que de toute façon, elle choisirait une femme. Un duo de gonzesses? Une femme à l'Elysée et un Matignon? Et les mecs, on garde quoi comme ministère? La culture et les affaires familiales? Pourquoi pas? Attends, non mais Stéphanie, il faut un équilibre entre l'Elysée et Matignon. Il faut la parité, une femme et un homme. C'est très bien. Ah bah évidemment, maintenant que c'est une femme à l'Elysée, les mecs, vous êtes tous pour la parité. Mais non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux deux minutes. Une femme à l'Elysée et à Matignon. T'imagines la gueule des conseils des ministres? Il faut la planter. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il faut la planter. Il faut que Tiffen perde cette élection. Si Bousquet gagne et qu'elle rate son début de mandat, je peux même espérer gagner les législatives en juin et forcer une cohabitation. Non, tu rêves là, Pablo. C'est Tiffen qui va gagner. Bousquet est que 3 ou 4 points devant elle et elle n'a pas assez de réserve de voix. Et puis Tiffen, elle est jeune. Elle a fait une super campagne. Elle est deuxième, mais la dynamique est pour elle. Elle va gagner. Serrée peut-être, mais elle va gagner. Faut voir. Il y a peut-être un coup à jouer. Arithmétiquement, c'est encore possible. Tiffen doit gagner, mais si elle se plante au débat et que ceux qui ont voté pour Pablo se reportent mal... Il faudrait vraiment qu'ils se reportent très très mal alors, hein. Parce que tous ceux qui ont voté Gerland vont voter Kervelec, c'est sûr. Et pour les électeurs de Pablo, le report est moins évident, d'accord. Mais ils voteront jamais Bousquet. Ils peuvent s'abstenir, ça peut suffire. Ça peut suffire à faire passer Bousquet. Il faut qu'ils s'abstiennent, c'est tout. Mon électorat, c'est les ploucs. Il faut les gratter là où ça les démange. Si on insiste un peu sur les mœurs de Tiffen, ils voteront jamais pour elle. Ils voteront jamais pour une... Une? Vas-y, dis-le. Mais t'as très bien compris. Je voudrais te l'entendre dire. Une lesbienne. Ils voteront jamais pour une goutte d'eau, une gouine. T'es contente? Ne prends pas ta gueule de mère la vertu. Alors tu ressors les boules puantes, c'est ça, comme avec moi? C'est une manie. Écoute, ça me fait déjà suffisamment chier d'avoir perdu. Je réfléchis à la meilleure tactique, c'est tout. Alors épargne-moi tes leçons de morale. T'es d'un faux cul en plus. Faux cul, moi? Oh. Non, mais dis donc, Stéphanie, dans les 5 prochaines années, tu veux être femme de Premier ministre ou femme de députée? Ah non, j'étais très claire, Pablo. Si t'arrives pas à garder Matignon, je reprends ma liberté. Tu sais très bien que j'ai déjà contacté mon avocat. Mais si t'arrives à rester Premier ministre, j'annule tout. Donc, évidemment, Pablo, t'appelles plus à voter Tiphaine Kervelec. Et j'en fais quoi, moi, du discours que t'es censé prononcer dans 20 minutes? Des cocottes en papier? On va la planter. Écrire, c'est réécrire, mon petit David. Tu gardes le début du speech et tout blabla. Tu trouves une autre formule suffisamment ambiguë pour le deuxième tour. Je vais tuer Tiphaine, mais j'aurai pas de sang sur les mains. Bon, je vais mettre une cravate, en espérant qu'elle soit du goût de madame. Et essaie de faire le nœud correctement, pour une fois. Ah, mieux vaut avoir une cravate de travers et une pensée droite que le contraire. Ah, et vas-y, hein, David, au boulot, t'as 20 minutes. Je veux parler à 20h pile, au pic d'audience. Et je veux parler le premier. T'entends, tu passeras déjà après Gerland. Mais Gerland, on s'en fout, il pèse plus dans le game, comme dirait ta fille. Notre fille. Enfin, je crois. Très drôle. Hein, David, appelle-moi aussi la vieille Mimi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui veux, Mimi? Je veux la voir ce soir, au calme. Et trouve-moi une bijouterie ouverte. Une bijouterie? Mais il n'y a pas de bijouterie ouverte le dimanche à 20h, Pablo. Eh ben, faut ouvrir une bijouterie, je suis encore le Premier ministre, non? Je veux faire un cadeau à Mimi ce soir. Officier de sécu pour voiture 1. Voiture 1, j'écoute. Vous en êtes où? Toujours devant le domicile personnel, avec la C6 et moto SDLP. Madame Kervelec est montée changer il y a 12 minutes. Elle est censée être au QG à 19h50. Faut qu'elle accélère le mouvement, là. Vous y serez jamais. Reçu, OS. Est-ce qu'on peut demander à l'APP des moyens pour bloquer la rue? Il commence à y avoir beaucoup de monde. La sortie va être compliquée. Reçu, voiture 1. J'appelle la préfecture. Écoute, Yves, je sais pas quoi te dire. Je peux pas être à la fois là et pas là. Je peux pas être présente mais absente. J'essaie juste de trouver ma place pour t'aider au mieux. Mais si tu préfères, si tu veux qu'on se voit pas pendant quelque temps... Arrête, Perrine, c'est pas que je veux pas, mais c'est très gentil, mais je vois pas comment tu pourrais m'aider, je vois pas comment tu peux être la solution, sachant que t'es le problème. Ah, ok. Ok, bon, bah, je vais mettre ça sur le compte de la fatigue. Comme d'habitude. Au fait, tu sais, moi aussi, je suis fatiguée, hein. Le cabinet, il tourne pas tout seul, hein. Et cette semaine, j'ai 6 dossiers à plaider, tu vois. Oh, excuse-moi. Le problème, hein. Je suis le problème, hein. C'est ça, hein. Ouais. Bon, on va dire que j'ai rien entendu parce que... Et quand tu t'y mets, Tiphaine, hein, t'es vraiment... C'est pas ce que vraiment... je voulais dire, putain, mais arrête de me reprendre sur chaque... Salut, Tiphaine. Ah, oh, pardon, mon petit chat. Rappelle pas mon petit chat. Parle trop fort, non? Bon, retourne dans ta chambre. T'en es où, ta poésie, là? Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat. Bon, mon chéri, tu nous réciteras ça quand tu la connaîtras en entier, hein. On discute là avec Tiphaine. Attends, okay, le Brimva, il récite sa fable, c'est bien. Alors, t'as gagné? En fait, je dois t'avouer un truc, j'ai pas vraiment gagné, je suis arrivée deuxième. Deuxième? Mais c'est nul. Bah, excuse-moi, je pense que je peux. C'est qui a gagné? La grande, tu sais, je te l'avais montrée à la télé. Ah, Bousquet, elle est trop moche celle-là. Toi, t'es trop belle. Il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. C'est toi qui vas gagner la semaine prochaine. Dans 15 jours. C'est pour que t'aies le temps de te reposer? Pas vraiment, mais... Et après, tu viens habiter à la maison avec maman? Bon, on verra. Verra. On va gagner les doigts dans le nez. Oui, bon, arrêtez de faire les idiots tous les deux. Hey, Tiphaine, stop, c'est bon. Allez, Hugo, allez, hop, la fontaine. Et plus vite que ça. Après, il faut encore que tu te laves, que tu manges, et demain, il y a école. Allez. Demain, il y a école. C'est bon, Madame Kervelec descend. On va pouvoir y aller. Reçu. La PP nous a demandé de renforcer encore le convoi. Il y a 2 voitures supplémentaires qui vous attendent au croisement Saint-Honoré-Sauval. Et des motards, vous gardez le lead. Bien reçu. Et évitez le secteur Concorde-Madeleine. Apparemment, ça bouge. Par Palais Royal, Pyramide, Opéra. Reçu, voiture 1. Je transmets à l'APP. On vous attend, je fais dégager les accès. Bonne route. Personne ne rentre jusqu'au monsieur. Maintenant, c'est quoi le programme? Alors, tu commences par dire un mot à l'équipe. 2 minutes, maxi. Ok. Pense à remercier Cyprien et les bénévoles. Oui. Ensuite, tu repasses au maquillage. Oui. Et on enchaîne. On fait un petit point rapide sur les éléments de langage avec tes soutiens. Rapide, le point. Alors, attends, tu prends quand même 3 minutes pour redire ton discours, s'il te plaît, parce qu'on l'a retouché un peu. On a insisté sur le côté historique avec 2 femmes en finale, etc. Je parle avant ou après, Bousquet? Je viens de me mettre d'accord avec son directeur de campagne. On les laisse commencer. Bon, là, il est 20h02. Elle parle dans 3 minutes, normalement. On la laisse finir, ça sera court. Et toi, tu prends la parole vers 20h10, au plus tard. Fais voir la dernière version. Je veux rajouter un mot personnel pour Pierre-Yves. T'as entendu la déclaration de Mercadal? T'en penses quoi? Bon, c'est un connard, mais c'est pas une surprise. D'ailleurs, passe-moi ton portable. Je me suis noté un numéro que je voulais appeler, mais pas avec mon téléphone. Tu vas voir, je pense qu'on va se marrer. T'appelles qui, là? Attends, c'est où le haut-parleur, déjà, sur ton machin, là? Ah. Et t'appelles qui, là? Attends, écoute. Permanence de Pablo Mercadal, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je vous appelle parce que, voilà, je suis la responsable du comité de soutien à Pablo Mercadal dans le Lot-et-Garonne. Oui, dites-moi. Mais j'ai écouté le discours de Monsieur Mercadal tout à l'heure à la radio, après sa défaite, et j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'on doit passer comme consigne aux sympathisants pour le deuxième tour? Monsieur Mercadal a été assez clair, je trouve. Franchement, il a juste dit, et j'ai noté sur un papier, « Chacun sait en conscience quel est son devoir ». Franchement, moi, je ne sais pas. En tout cas, il faut pas voter Kermélec. Ah bon? Ah bah, c'est ce qu'il a clairement laissé entendre, oui. Ah bon? Mais je leur dis quoi, alors? Je leur dis de voter Blin? Oui, voilà. Ou même... Ou même de voter Bousquet. Ah bon? Bah oui, madame, hein, au premier tour, on choisit, puis au deuxième tour, on élimine. Hein, Kervelec a attaqué Pablo Mercadal pendant toute la campagne. Mais c'est lui qui m'a attaqué! Mais vous dites n'importe quoi! Alors comme ça, vous incitez les gens à s'abstenir, ou carrément à voter pour Bousquet! C'est ça que vous voulez pour la France! Le repli sur soi, la haine, mais vous n'avez pas honte! T'as pas honte, hein, connard! Donne-moi le téléphone, raccroche! Morue! Collabo! Mais la salope! Salope! Putain! Mercadal leur a carrément donné des consignes! Qu'est-ce qui se passe? À qui tu gueules encore? Qu'est-ce que tu veux, Gwenaëlle? Et c'est quoi ces fringues? Ta tenue pour ce soir. C'est bon, je suis passée me changer exprès. Ah non, Tiffen, ce jaune, c'est pas possible. Mais il est très bien, ça. Non, Tiffen, discute pas. On est payé pour que t'aies pas à te poser ce genre de questions. Alors tu m'enlèves cette jupe jaunasse et ton chemisier tristoun et t'enfiles ça. Et je suis sympa, je te laisse le choix. Je t'ai pris le bleu et le beige. Voilà, tu préfères quoi? Le bleu. Non, le beige. Steve, tu sors s'il te plaît pendant qu'elle se change? Bah, ça me gêne pas, il en a vu d'autres pendant la campagne. Si, je vous laisse, mais faites vite, hein. Ça va être Bousquet et il faut que t'enchaînes tout de suite, faut pas la laisser occuper le terrain médiatique. Steve, trouve-moi un truc à grignoter s'il te plaît, j'ai un coup de mou. À vos ordres, madame la présidente. Ouh, ça sonne bien! Et encore le deuxième tour. Beige, on a dit? Ouais. Non, bleu. Bon, bleu, je suis sûre. Elle me va pas mal cette culotte, non? Ouais, la couleur j'aime bien, mais la forme je suis pas sûre. Tourne-toi pour voir. Le vide ça va encore, mais j'ai un peu pris du tif. Tiffen. Un jour à force de bouffer n'importe quoi aussi. Tiffen. Mais quoi? Tu saignes. À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 16e épisode. Chris Nianguna, Maud Le Grévelec, Hervé Pierre, Johanna Musard, Florent Schepp, Andréa Brusque, Grégoire Osterman, Louis de Langsin, Valérie Dashwood, Éric Caruso, Archibald Forçant-Philippon, François Château, Yvon Martin, Elsa Bouchin, Patrick Autier, Belaïd Boudelal, Grégory Kidel, et Delphine Léonard. Bruitage, Élodie Fiat et Sophie Bissance. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. I just went on tour. Hey, yeah, blowing the whistle on a fireman, he rang the bell. It's bad, you know.